On a pris notre billet après ça. Ils ont dit, faut vous enlever vos chaussures. Comment ça, enlever nos chaussures? On a ses déchaussés, on lui a donné nos chaussures. On est rentré. À un moment donné, je lui ai dit, c'est qui se passe? Il y avait des hommes à quatre pattes à terre. Voyons, ce qu'ils font là. Là, la guide a dit, prie. Voyons. J'ai dit, prier à quatre pattes à terre. J'ai des petits tapis. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Mais moi, je suis restée marquée par ça, là. J'ai rembarqué dans l'autobus, puis j'ai dit, ça se peut-tu? Aller prier à quatre pattes sur un tapis. Morceau, il n'est pas très âgé, on peut le fréquenter en heure de pointe sans crainte. Non, ce n'est pas un viaduc, mais bien votre animateur, Jean-Philippe Vaud! Oh, yeah! Hey! Bonsoir tout le monde, bonsoir. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de penser aux mémoires qu'on voudra déposer au sujet de la charte, hein, Fred? Bonsoir, oui. D'ailleurs. Bonsoir! Là, êtes-vous sûr qu'il faut déposer un mémoire, là? Ben, avez-vous un vieux fond de racisme, vous? Non. Parce que je pense que c'est ce que ça prend pour aller jaser là-bas. Ah! En tout cas... C'est pour ça que ça vole pas haut! Hey, mais n'empêche, hein, ouais. Le Maroc. Hey. Quel endroit que ça... Avez-vous ouais. visité une mosquée, vous? Jamais de la vie. Ben non. J'ai bien trop peur. Hey, mais attendez, là. Attendez que le groupe Stop Circoncision ah dépose ouais. son mémoire. Ah ouais? À mon avis, ça va lever. Ah ouais? Mais il paraît que c'est un mémoire assez court. Ils sont très concis, eux autres. On voulait la faire, puis on l'a faite, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Sinon, ben, c'était quoi cette semaine? C'était le retour de la commission Charbonneau, ben vous avez oui. écouté, hein, quand même. Et on n'arrête pas d'apprendre des choses. Oui. Même après 20 mois. Saviez-vous que ce sont les médias qui ont nui à la réputation du fonds de la FTQ? Je savais pas ça. Maudit médias sales! Oui, oui. Hey, et ces gens-là, là, à la FTQ, là, tout ce que ça voulait faire, c'est faire des affaires. Ben oui. Hein, faire travailler du monde. Ben oui. Comme toi puis moi, frère. Oui. Hein? Ouais. Ben, plus comme Olivier. Mais ben, en fait, en tout cas. Puis pas juste ça. Ces gens-là avaient des beaux projets de réhabilitation aussi. Hein? Ah oui, réhabilitation de bâtiments patrimoniaux, genre? Non, de réputation. Ah ouais? Gros, hein? Parce qu'il y avait, bon, il y a eu beaucoup de personnes qui avaient été accusées de fraude. Ouais. Par exemple, ou de shylocking avec les Hells. Mais qui bon. N'a pas shylocké? Ben, exact. Des gens qui ont chuté, certes, ouais. hein, mais qui étaient prêts pour un nouveau départ. Puis là, bam! Ouais. L'émission Enquête vient faire tout déraper. Ouais. Ah, ça, là. Les gens d'Enquête sont contre l'amour. C'est ouais. ça, le problème. Voulez-vous que je vous dise, Alain Gravel, c'est un cynique, ça. Ouais. Hein? C'est quelqu'un qui haït la société. Ouais. Ça. Je le connais personnellement. Oui. Il n'aime pas les gens. Non. C'est comme ça. Mais heureusement, il y a un dieu. Oui. Hein, et il s'appelle Jean Lavallée. Oui. Et c'est... ça, on l'a découvert cette semaine. Mais ben, c'est drôle, c'est pas l'image que j'avais d'un dieu, moi. Non, je l'imaginais pas avec autant de bédaine, moi. Non. Non. Mais en même temps, ça lui permettait d'amener large. Oui, hein? Ça, c'est clair. Et ben, ça, on a appris ça de son caniche, Guy Gionnet. Oui. Vous l'avez. C'est drôle, c'est pas non plus l'image que j'avais d'un caniche. En fait, c'est pas à l'apparence que tu juges un caniche. Ah non? Non, c'est au nombre de péteux que tu renifles chaque jour. Et c'est ce qu'on a pu comprendre je de M. Gionnet. Je suis très, très content d'être assis présentement. Oui, soyez bien solidement assis, Fred. Parlant d'affaires de chiens, il y a le oui. PQ qui a eu la bonne idée pour le nouveau CHUM. Ah oui, ils vont très, soigner très des gens, finalement? Pardon? Ils vont soigner des gens? Ah non. C'est pas ça l'idée? Non, non, ils iront pas jusque-là quand même. on a appris cette semaine qu'il faudrait payer pour être malade sur un lit d'hôpital. C'est ce qu'on a appris. Mais il était temps! Ouais. Fini les vacances à paresser, hein, pendant que tu siras ton soluté en lisant le séjour de 2003. Ouais. Ça va fini. Faire. Fini. Ah non. Hey, c'est pas gratis, ces beaux murs turquoises. Non. Hein? Et d'ailleurs, je sais pas ce qu'ils attendent pour charger la nourriture. Ben, c'est un buffet, cette affaire-là. Ben non, je sais. Et du jambon gris et des patates en poudre, là. Ça vaut quoi, 7, 8 piastres? Facile. En tout cas, c'est ce qu'ils chargent ici à la cafétéria de Radio-Canada. Et voilà. Je me dis que ça doit. C'est comme ça qu'on va pouvoir payer nos programmes sociaux après. Oui, vous avez tout à fait raison. Et là, on me dit à l'oreille que le ministre Hébert aurait finalement reculé là-dessus. Oh, et je pense que c'est le premier recul péquiste de l'année 2014. Bravo! Ah! Hey, 17 janvier. On avait quasiment l'impression d'aller de l'avant. Ben oui. Puis c'est pas le fun pour personne. Hey, toujours dans le domaine de la santé, paraît qu'il y aurait des médecins qui auraient trouvé un remède miracle pour traiter l'épilepsie. J'ai lu ça cette semaine. Oh, ouais. C'est plate. Daniel Payet va être content. Ben oui. Non, mais c'est les Grecs qui, en fait, et de l'Antiquité, là, pas de blague, ça fait longtemps, ils donnaient aux épileptiques, en fait, un régime pauvre en glucides, mais riche en gras. C'est pas de blague. Et ça fonctionnait. Maria Morani qui vient de partir en plus, là. Ben oui. Ben, il y a plus de sucre au bloc, hein, vraiment. Non, c'est de moins en moins sucré le bloc. C'est ainsi. Il a bien fait de partir, je pense. Ouais. Non, mais ça va survivre. On a reçu Gilles Duceppe la semaine passée. Il était très positif sur le bloc. Très, très confiant. Sinon, dans le même ordre d'idée, il y a Denis Coderre, hein, qui a annoncé que la lutte à l'itinérance allait être son nouveau cheval de bataille. Vous avez sûrement entendu ça. Ah ouais, c'est, ouais. Et ça, c'est après les salons de massage, évidemment. Et les fonds de pension des employés municipaux aussi. Ouais. Et l'autopartage au centre-ville, ça aussi. Et l'exode des familles dans le 4-5-0. Oui, dans le fond... Denis, je suis pas sûr s'il comprend la définition de priorité. Non, c'est pas... Mais là, en gros, là, si je comprends bien, la pire chose pour Denis Coderre, c'est quand tu es un retraité de la fonction publique qui se fait masser la bisoune par un itinérant dans un communauto à Brossard. Ça, c'est comme... Ça, là... Ça, s'il te croise puis tu fais ça, il vire fou. Il vire fou, hein? Il vire fou. Il perd sa gomme. Ah non, non, il en échappe sa gomme puis arrête de marcher. On a du fun. Ouais. Hein? Hey, mais heureusement, nos invités de ce soir sont sains d'esprit. Oui. Hein? Oui. On reçoit tout d'abord le ministre Bernard Drinville. Ouais. On est très contents. Grosse semaine pour M. Drinville. Et là, qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'est pas aux consultations sur la charte? Ben, je pense pas qu'il ait besoin d'être là. Il a dit qu'il n'allait pas changer d'idée sur la charte. Ah ouais, dans le temps, c'est... Les gens défilent. Puis... Non, pas en même temps, trois jours de suite, là, c'est non, spécial. Hein? Moi aussi, je vais en reviendrai ici. Oui, oui. D'ailleurs, je pense qu'il serait ouvert à une job à Radio-Canada. Là. À mon avis, si on y fait la bonne offre, il reste. On reçoit également Bernard de Rome. Ouais! Très heureux, très heureux. Très heureux. Ça, c'est le monsieur qui fait les entrevues avec des millionnaires. Hein? Exactement. Là, à Télé-Québec, oui. Ils sont pas tous partis depuis que le PQ est au pouvoir. Il me semble qu'ils ont tous embarqué dans un camion de la Brinks. Oui, ben, je pense qu'ils ont enregistré ça avant qu'ils partent, Fred. Mais de toute façon, on va avoir le temps de lui demander parce que la soirée est encore jeune. Bon! Olivier Niquet. Oui. Parlez-moi des internets. Oui, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, oui. facebook.com/lasoirée est encore jeune et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils pourront lire une mise en garde du maire de Saguenay, Jean Tremblay, qui va comme suit: le démon ne dort jamais. J'en ai fait des cauchemars toute la semaine. Mais c'est vrai qu'il dort jamais, hein? Ben, je sais pas. Ben, mais je connais. Je viens de Chicoutimi, moi. OK, on passe au courrier des auditeurs. Mais d'abord, on a Sébastien Lemire qui nous dit: avec l'ouverture de son procès pour lobbyisme, il me semble qu'une blague sur le docteur Barrette serait la bienvenue. Non. On a décidé qu'on avait assez ri de lui. Là, oui. C'est de l'acharnement. Fait qu'on passe tout de suite à la prochaine question qui nous vient d'Infoman en personne. Pourquoi tout le monde à Radio-Canada a fait des jokes de puanteur jeudi sur les internets? Oui. Ah ben, c'est simple. Là, c'est que le docteur Barrette est passé à Radio-Canada puis il avait mangé des fèves au lard. C'est tellement de mauvais goût. C'est tellement lourd. Et vous avez pas écrit ça, Fred? C'est non, pas de votre plume, c'est pas ça. Moi pour vrai. Non. Ben en même temps. Bon. C'est pour ça qu'il met des extraits tout le temps dans ses chroniques. Ben oui. Pas capable d'écrire. C'est ça que je suis moins bon que lui pour faire des jokes sur le physique des gens. Enfin, une question de Will Brod qui veut savoir: quand est-ce que vous allez réinviter Denise Bombardier à votre émission On s'ennuie? Ah ben quel hasard! C'est un drôle de hasard que vous nous demandiez ça, parce que pas plus tard que le 14 février, nous aurons une émission spéciale pour la Saint-Valentin intitulée La Denise est encore jeune. Ouais. Et Mme Bombardier choisira elle-même les invités. On va triper bien raide. Hey, c'est le 14 février, ça. Oui. Hein? Hey, ça va être vraiment, vraiment le fun. Ouais, ben, moi, j'ai très hâte. Ben, on pense faire ça au Centre Bell. Ben, il y a beaucoup de gens qui réservent. Dans l'hémicycle, là. Oui, oui, non, mais quand même. On n'a pas encore les invités, mais on vous annonce ça dès... En fait, peut-être qu'on va vous garder ça en surprise, parce que Denise, en soi, c'est quand même une raison de venir nous voir. Oui. Alors, ben, imaginez ce qui s'en vient avec ça, tiens. Ah, écoutez, on est bien excités. J'étais plus vieux, là. Oui, ben, c'est... On en reparlera plus tard, Fred. On va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, mon bonjour, Philippe, comment allez-vous? Bien, vous? Oui, absolument. Good. Je dirais que je suis quand même un peu fébrile, honnêtement, Jean-Philippe. Pas encore vos niaiseries. Oui, mais vous le savez, hein, aujourd'hui, j'inaugure ma toute nouvelle série. Viens voir les politiciens municipaux des faits aux dernières élections qui font maintenant de la radio communautaire les lundis sur Radio Ville-Marie. Mon Dieu, ça me semble un peu ciblé comme série. Un peu. Il y a des chances, ça ne dure rien qu'une émission. Mais j'imagine que vous parlez de Louise Arel. Oui, la belle puce est dorénavant co-animatrice de l'émission Sociétés ouvertes sur Radio Ville-Marie, les lundis de 11h à midi. Hey, allô, burnout? Oui. Elle co-anime avec son ami Michel Roux, qui lui est à la barre de cette émission-là depuis maintenant 10 ans. Mm-hmm. Et vous le savez, hein, Jean-Philippe, parce qu'on aime tendrement Mme Harel, parce qu'elle a souvent accepté de m'accorder des entrevues ici à l'émission, parce qu'elle a beaucoup d'humour, parce qu'elle est la mère que j'aurais aimé avoir au lieu de la maudite folle qui m'a mis au monde, Jean-Philippe. Qu'on salue d'ailleurs. Oui. Est à l'écoute. Alors, pour tout ça, Jean-Philippe, j'ai décidé d'offrir à Mme Harel un beau cadeau aujourd'hui et de lui offrir mes trucs du métier pour qu'elle réussisse sa nouvelle carrière radiophonique. Voyons donc, vous donnez des trucs pour faire de la bonne radio? Oui, j'entends très bien vos petits sous-entendus rats et mesquins, Jean-Philippe. Ben, là, franchement. Vous dites, Jean-Sébastien qui donne des conseils, vous vous dites, c'est un peu comme si Marie-Lou donnait des cours de chant. Ouais. Que si Guy Turcotte donnait des cours de gardiennage avec Jean-Philippe, il y a longtemps que votre mépris me laisse complètement de barbe, mon gros Vautier. Bon, je suis même pas gros, premièrement, vous êtes pas mal plus gros que moi. Je suis donc dans les bureaux de Radio Ville-Marie et j'attends ma petite Loulou qui va arriver dans quelques minutes, Louise Harel, à qui je vais tout montrer, mon bon Jean-Philippe. Bonne chance, Jean-Sébastien, pauvre Mme Harel, qu'on l'aime donc. À tout de suite. Fred, notre premier invité. Cet ancien journaliste habitué à poser des questions est devenu un politicien habitué à ne pas répondre aux questions. Accueillons le ministre piquiste de la laïcité, M. Bernard Drainville! Oh, wow! M. Drainville! Ah! C'est bon de vous voir! Oui, écoute, je finis ma semaine avec vous autres, puis j'ai pas encore décidé si ça finissait bien ou si ça finissait mal. Écoutez bien ça. Je pense que je vais... Non, mais regardez là. Tu vas être... C'est quoi ça? Un vieux rhum, je me suis dit, regarde. Un vieux rhum? Oh, j'aime ça à part ça. Du vieux rhum? C'est-tu du rhum? Oui, c'est un vieux rhum. T'as rien mis dedans, là? Non, ben rien mis dedans. Voyons donc. Qu'est-ce que tu veux faire? Pas besoin de... Hey, arrête, là. Ben non, mais regarde, c'est pour notre soirée, là. On va recevoir aussi Bernard de rhum après, la poignée bleue. Oh! Bon, non, mais c'est pour relaxer, là. Cheers. Oui. Ça a été une grosse semaine, hein, Bernard? Ouais, un autre, ouais. La première question qu'on se pose, c'est avez-vous pris des semaines de break pendant les fêtes? Écoute, j'ai essayé, mais elle me rattrapait tout le temps. Arrêtez donc. La charte. Ah, elle? Oui. Ben oui, pourquoi vous l'avez amenée avec vous? Écoute, j'ai essayé de m'en séparer, mais... Puis j'ai été prêt à Pearson en plus. Ah, arrêtez donc. Tu sais quand ça va mal. Il y a un bon Dieu. Il y a un diable aussi. Il est bon, hein? Ben oui, je sais que ben, j'amène pas d'épicette. Vous êtes pas cheap. Ben non, ben non. Mais là, tu veux me mettre chaud pour me faire dire n'importe quoi après? Vous allez pas être chaud avec un once? Je pensais que t'étais pour dire que t'as pas besoin du rhum pour dire n'importe quoi. Non, en fait, c'est pas vous qui dites n'importe quoi. Parce qu'on a écouté un peu la commission des institutions, vos audiences publiques, en fait. On a entendu un extrait tout à l'heure, là? Oui, ben c'était un Pourquoi extrait. Il y a juste celui-là qui roule, écoute. Parce qu'il est drôle en tabarnouche. Oui, mais il y en a... Mais il y en avait d'autres qui étaient tellement intéressants, Jean-Philippe. Oui, non, je sais. Est-ce qu'on va les entendre? Ah non, c'est trop plate. Mais la vraie question, parce qu'on l'a suivi un peu, puis bon, grâce à Infoman, on n'a pas eu besoin de tout se claquer, là. On a eu un petit résumé hier soir. Oui, j'ai écouté ça, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça donne, les audiences publiques, honnêtement? Ben, écoute, moi, je pense qu'on apprend. Oui, oui. Non, c'est vrai, ben je pense qu'on apprend. Puis je pense qu'il va y avoir des bonnes idées là-dedans. On apprend quoi? Ben, on apprend d'abord ce que les citoyens en pensent. Bon, on apprend qu'on doit enlever ses chaussures au Maroc quand on va dans une mosquée. Puis ça, je veux dire, c'est extrêmement important. Oui. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Quand tu décides d'écouter les citoyens, tu peux pas commencer à dire, ah ben, elle, je vais l'entendre, puis lui, je l'entendrai pas parce que j'aime pas ce qu'il va dire. Alors, à un moment donné. Je disais à Jean-Philippe aujourd'hui dans le bureau. Ben, ouais, hein? Tu peux pas juste entendre ceux qui font ton affaire. À un moment donné, il faut que tu acceptes qu'il y a d'autres points de vue. Pourquoi tu es la sceptique? Ben, voyons. C'est parce que je me dis, on est tellement. Fais-moi confiance. On là. Est. Ben, pourquoi tu me fais pas confiance? Eh hey boy. C'est une émission d'une heure seulement. Hein? Par où commencer? On a juste une heure! Non, mais on va en parler avec Bernard tantôt. Je veux dire, les riches, c'est bien intéressant, mais là, j'ai Bernard de Rome à côté de moi puis Bernard Drainville. Ouais. On niaisera pas avec ça, là. on fera une émission spéciale après. Toujours est-il que je me suis perdu dans ce que je voulais vous dire, oui, mais... j'haïs pas ça. Non, mais ça va revenir. Ah, pourquoi je suis pas d'accord? Oui, ah oui, je viens de m'en souvenir, là. Oui. Il y a plusieurs groupes qui ont sorti, en fait, qui ont fait un petit peu un teaser sur leur mémoire, là. Il y a le barreau. Ouais, d'ailleurs, tu sais que ça c'est du coulage, ça, hein? C'est pas supposé arriver. Ben, c'est pas grave. On se demande bien qui c'est qui les a coulés, d'ailleurs, les mémoires. Ben, la presse est bien contente de publier ça, en tout cas. Il joue fort, hein, t'as remarqué. Hein? Hein? La presse, c'est de la grosse. Sont-tu pour grosse, prendre, grosse, autres, la presse? Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. À mon avis, André Pratt est contre, mais. Je lance ça comme ça. Ça fait là. Des années que je lis plus. Oui, c'est ça. Mais toujours est-il que quand on regarde ces rapports-là, ou en fait ces commentaires-là, du Barreau du Québec. Prenons le Barreau du Québec. Prenons-le. Bon. Et on a lu que. Qui taille en pièces la charte. Mais bon, ça, c'était un manchet de la presse. Oui, c'est un titre sensationnaliste. Même le Barreau en convenait. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Cela dit, ils ne sont pas d'accord avec plusieurs points, sinon l'entièreté des points qui font. Mais regarde, ultimement, là. Oui, mais c'est pas un ben oui, genre, Madame Chauvette est d'accord, mais le Barreau est contre. Chacun se vaut. Ça se vaut pas, c'est le Barreau du Québec. C'est pas ça que j'ai dit, mais regarde, ultimement, là, c'est le Parlement qui va décider. Je suis d'accord. Puis après ça, les tribunaux se prononceront, le cas échéant, si c'est contesté, mais. On ne peut pas s'empêcher de voter une loi parce qu'elle pourrait éventuellement être contestée. À ce risque-là, à ce rythme-là, on va fermer les parlements. Tu sais, à un moment donné, il n'y aurait pas eu de loi 101. Si on avait écouté... Non, mais c'est vrai. Tu sais, si on avait pris en compte tous ceux et celles qui étaient contre la loi 101, René Lévesque n'aurait pas voté la loi 101. Mais je suis d'accord, mais là, il faut accepter de voter des lois qui changent l'ordre établi. Je suis d'accord. C'est ça qu'on fait. Je suis d'accord. Sauf qu'il y a quelque chose, par exemple. C'est que la loi 101, on avait des données statistiques sur la proéminence de l'anglais, sur ce qui s'en venait. Oui. On était capable de mettre des chiffres. Maintenant, est-ce qu'on est capable de mettre des chiffres sur le nombre de tchadors en urgence dans le nord de l'Abitibi? Je veux dire, est-ce qu'on a des chiffres de ça? On n'en a pas. Mais, c'est embêtant de légiférer là-dessus. Tu avais écouté comme faux cette semaine, puis je sais que tu écouté. Je sais que tu écouté, mais tu peux pas le dire. Mais il y a eu beaucoup de témoignages. À un moment donné, témoignage après témoignage, quand tu as le principal syndicat des infirmières, le principal syndicat des enseignantes, ils travaillent sur le terrain, eux autres, ils sont confrontés. Mais il y a aussi la Ville de Montréal, la Commission des droits de la personne. Ben, eux autres, c'est pas des niaiseux, la Commission des droits de la personne. Non, puis moi, je te le dis depuis le départ. Ils se réunissent pas dans un Starbucks, eux autres. Je respecte tout le monde. Je respecte les opinions de tout le monde. Mais à un moment donné, il faut. Prendre une décision. Bon. C'est ça qu'il faut prendre. Il faut prendre une décision collectivement. C'est un choix de société qu'on doit prendre. Qu'on doit faire. Maintenant, vous êtes lavé les oreilles pour bien entendre ce que les gens ont à dire. Il y en a encore pas mal. Toujours propre, mes oreilles. Bon, mais ça, c'est important. Non, mais c'est une hygiène qui est importante. On oublie ça. Ma mère m'a bien élevé. Puis derrière, ma mère, elle écoute ça ce soir. J'ai dit, écoute en ça. Moment? Je suis pas sûr là, que c'était une bonne idée de dire ça. Ah, non, il n'y a pas de problème. Vous prenez à peine de rhum, premièrement. C'est une goutte. Maman, si tu nous écoutes, fais-toi-en pas. Ils sont drôles de même, eux autres. Là. Ah non, mais vous savez ce qu'on fait, nous, hein? À travers l'humour, on réussit à avoir des vraies réponses. Je sais. Puis les gens sont bien surpris de ça. Mais oui, je sais, hein? je sais, vous êtes forts. C'est pour ça que je suis venu. Ils nous flattent. Puis on va parler d'autres choses, Bernard, là. Ah oui. Avez-vous écouté Les Jeunes Loups lundi dernier? Non, c'est Régent Tremblay. Avez-vous écouté? Non, je n'ai pas écouté. Faites pas ça pour moi. Avec le Barreau est contre, hein? Okay. C'est bon, il est bon. On devrait l'écouter plus souvent. Fren! Oui. Oui, il est pas pire. Vous avez dit samedi dernier, en entrevue avec Paul Journet, puis ça, ça vous a connu un peu, là. Soit vous êtes pro-intégriste, soit vous êtes pro-charte. Hey, j'ai pas dit ça comme ça. Ben, tu déformes. Et tu sais, Jean-Philippe Boutier, tu sais à part ça. Un, je ne le déformerais jamais. Oui. Ce que j'ai dit. Allez-y, on va mettre en contexte. C'est que si tu veux, si ta priorité, c'est de lutter contre l'intégrisme, tu devrais appuyer la charte parce que la charte fait précisément ça. Quand la charte dit un État, ça doit être neutre sur le plan religieux, ça va exactement à l'encontre de ce que les intégristes veulent. Eux autres, ils veulent un État religieux. Les intégristes, ils carburent aux accommodements religieux. Ils veulent transformer des exceptions en règles. Nous, on dit, on va mettre des règles en place pour éviter les accommodements déraisonnables. En résumé, égalité homme-femme, même chose. Ouais. Les intégristes, ils n'acceptent pas l'égalité homme-femme. Fait qu'en résumé, c'est soit vous êtes pro-intégriste, soit vous êtes pro-charte. En résumé, c'est ça. Là. Non, si on enlève tous les mots, c'est là, que si tu veux lutter contre l'intégrisme, tu devrais appuyer la charte. Mais je dis pas que tu devrais. Tu devrais, il faut, oui. Mais attention, j'ai pas dit ceux qui sont contre la charte sont pour l'intégrisme. C'est ça qu'on a essayé de me faire dire. Mais ce que je dis, c'est que les libéraux, disent que l'intégrisme, c'est leur priorité. Je leur dis, si vous voulez vraiment être crédible, il n'existe plus, eux autres. Vous devriez. Ça fait longtemps qu'on les a pas entendus, les libéraux. Avez-vous vu Philippe Couillard récemment? Non, je l'ai vu. Où? J'ai trouvé ça étonnant, d'ailleurs, j'ai vu ça. Il paraît qu'il était parti, mais je l'ai rencontré au parlementaire cette semaine, j'ai serré la main. Arrêtez donc! Alors, ça, c'est un scoop. Philippe Couillard, les libéraux ont dit qu'il était parti à l'étranger. Oui. Je l'ai croisé au restaurant Le Parlementaire. Cette semaine, j'ai serré la main. Voulez-vous que je vous dise, il ne reconnaît plus son Québec. C'est incroyable. Il est en pays étranger. Peut-être qu'il ne se sent plus chez eux. Hein? À moins que c'était le fantôme de Philippe que j'ai croisé. Je sais pas, là. Philippe, écoute, il était à l'étranger. Peut-être en Arabie aussi. Hein? Peut-être. Il est bien ça, ce coin-là. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Parce que là, je veux pas trop... J'ai failli dire quelque chose. Allez-y. Je suis discipliné. Ah non, il y a Québec inclusif aujourd'hui. Tu réussiras pas à me faire boire assez de rhum pour me faire... On en a en masse. On fait ça encore chin-chin? Chin-chin. Hey, on dépasse pas trop notre temps, je suis bien fier de moi, mais je vais quand même boster un peu. Il y a le mouvement Québec inclusif qui aujourd'hui... Oui. Hey, vous savez, puis ça, c'est très sérieux. Québec inclusif qui veut m'exclure. Oui! T'as remarqué ça? C'est des vacances gratis qu'ils vous donnent. Ils vous disent, allez prendre des vacances. Prenez-les, cette option-là. Voyons donc. Je trouvais ça fort. En plus, ils veulent vous remplacer par Bertrand Saint-Arnaud, qui est ministre de la Justice, qui vous ressemble énormément. Fait qu'à quelque part, il n'y aura pas de changement pour personne. Le monde va être mêlé. Faut pas faire ça, le monde va être mêlé. Il vous ressemble. Mais je sais, le monde, ils me disent, bonjour, Monsieur Saint-Arnaud. Bon, voilà. Ça règle tout. Tant qu'à nous changer et puis mêler le monde, tu vas me garder. Mais ils disent que vous êtes incompétent. C'est pas bien fin, ça. Non, c'est pas fait. OK. Est-ce que vous... Mais c'est surtout parce que tous les avis juridiques, vous les laissez de côté. Comme si vous... pour vous, c'est pas important, la justice. On les laisse pas de côté. On dit juste que... Ça vous intéresse pas? Non, c'est pas ça. Les avis juridiques, il y a aucun gouvernement dans l'histoire qui s'est... qui a commenté les avis et qui les a rendus publics. Les libéraux, d'ailleurs, t'as remarqué aujourd'hui, quand ils ont posé la question à Gilles Ouimet, le gars du Parti libéral, vous, si vous étiez là, est-ce que vous les rendriez publics? Il a pas répondu parce que... Mais il était gêné, peut-être. Il les aurait pas rendus publics, lui non plus. Bon. On les rend pas publics, les avis, notamment parce que si jamais tu te retrouves devant un tribunal, tu veux pas te donner des munitions à ceux qui vont venir... contester ta loi. Alors, tu veux garder tes munitions pour toi. C'est normal. Là, c'est normal. J'aurais une petite dernière question. Vite. Vraiment? Parce que, vraiment. Mais on va en parler avec... Mais je reste pendant toute l'émission. Ben oui, si jamais t'en oublies, je me poserai tout à l'heure. Je veux dire, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement utiles d'entendre non plus là, ce soir. Si on veut laisser plus de place à M. Drainville par la charte... Non, c'est ça, Fred. Vous êtes, on vous entend tout le reste de la semaine. la dernière question... Équipe. Pardon? C'est une très belle équipe. Oui, c'est une belle ambiance. Ça va coûter combien, ça, au Québec, d'entendre Mme Caron parler de ses voyages au Maroc? Bien, le prix exact, je le sais pas, mais c'est le prix à payer pour avoir une démocratie. Mmh, hein, c'est bon, ça, Jean-Philippe. Mais il faut écouter, il faut que tu écoutes. T'as pas le choix. Les projets de loi passent par cette étape-là. Jean-Philippe, t'es pas en train de me dire qu'on aurait dû sauter par-dessus l'étape des consultations. T'es ben trop démocrate. Non, mais... Moi, je suis démocrate. T'es démocrate au bout. Des fois, je m'écarte tellement que je suis démocrate. mais toujours est-il qu'il doit y avoir quand même un prix pour ça, parce que Le prix à payer pour ne pas entendre les citoyens est pas mal plus élevé que celui d'entendre les citoyens, même si on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent. OK. Bon, c'est bon si quelqu'un dit bravo dans ton assistance. Ça, on ne doit pas entendre ça souvent. C'est celui que j'ai appelé pour y dire de venir. C'est un bon ami de la famille. Vous restez avec nous, parce que de toute façon, on va recevoir M. Ça me fait plaisir. Il est vraiment bon, ton rhum. Je le sais qu'il est bon. J'en ai pas bu du bon de même là où j'étais en vacances. Vous n'allez pas dans un pays étranger. Oui, où vous étiez? Vous n'êtes pas bronzé ben. Non, effectivement. On a eu du mauvais temps. Quand je vous dis, il y a un bon Dieu partout. Le Maroc, c'est très beau. Ça a été une grande semaine côté nouveauté télé. Et ici à Ici Télé, c'est bien compliqué. Il y a Série Noire qui a débuté, mais surtout sur TVA. C'était la très, très, très attendue série de Régent Tremblay. Les Jeunes Loups, ça a commencé en force. 1,5 million de personnes ont écouté ça. Monsieur Drainville, faut que je m'adhère. Ouais. Ah oui, le rhum, c'est trop? C'est parce que là... Vous pouvez le chasser comme hier. L'émission dure une heure, là. Ouais. Regarde le niveau, là. Le tien puis le mien, là. Ah oui. Hein, j'en ai bu deux fois plus que toi. Ça paraît pas, je suis en train de lancer un extrait puis j'ai complètement oublié. Fait qu'on a fait une parodie des Jeunes Loups, tout OK. Des journalistes audacieux. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Il s'agit d'un modem. On va révolutionner le journalisme avec ça. Ben voyons donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans le journal de demain matin? Bonjour, ici France Castel. Pense Internet, France. Pense Internet. Il brise les conventions. Et que vous êtes flyés, vous autres, les jeunes journalistes. Les anneaux dans le nez, les tattoos. Dans mon temps, c'était pas comme ça. Ben fuck l'ancien taille. J'ai 19 ans, mon chef de pupitre m'en va te laquer, moi, le site Internet d'Al-Qaïda. On va mettre ça dans le journal de demain. Fuck le journal de demain, on va mettre ça en ligne hier. Hier? La game a changé. Pense Internet, France. Pense Internet. La nouvelle série Choc de Régent Tremblay. T'étais où hier soir? Personne t'a vu à la conférence de presse. Les conférences de presse, c'est out. Moi, j'ai envie de dire les vraies affaires. Fait qu'hier soir, là, j'étais en train de me faire manger le bonbon par Jacinthe René sur le toit d'une ambulance. Hey, chanceux. Ça fait longtemps qu'on m'a pas mangé le bonbon, moi. Quand t'es célibataire depuis longtemps, pense Internet, France. Pense Internet. Les Hunlou, une autre série loufoque de Réjean Tremblay à TVA. Écoute, c'est le script original qui a été légèrement modifié. Hein? Légèrement modifié. On va retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Ah, Jean-Philippe, de retour toujours à Radio Ville-Marie, où je suis avec Mme Louise Arel, oui. À qui je vais apprendre tous les petits trucs du métier. Mme Arel, bonjour. Quel bonheur d'être avec vous. Ah! Oh! On vous aime. J'aime cette femme. Merci beaucoup, Mme Arel, au nom de tous les Montréalais, d'être revenue dans l'arène publique. Vous nous manquiez déjà, vous le savez. C'est trop. C'est vraiment trop. Alors, il y aura des conseils dans quelques minutes, mais avant, parlez-nous de ce nouveau projet. C'est quoi exactement, Mme Arel, Sociétés ouvertes? Alors, c'est une émission qui dure depuis 10 ans et qui est animée par un vieil ami qui a perdu son partenaire et qui m'a proposé de le remplacer bénévolement. À propos de votre rôle d'intervieweuse, vous avez dit cette semaine dans les journaux « J'aime la radio, mais ça reste une technique à développer pour moi, la technique de l'entrevue. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre et j'ai pas de prétention. » En même temps, Mme Arel, vous le savez, vous avez de magnifiques cheveux. Pour certaines personnes, c'est bien assez, même si on n'a pas de technique pour faire des entrevues. Hey! C'est donc ben chien, ce Jean-Sébastien! Hey, mon Dieu, Jean-Philippe, vous êtes bien primesautier. Je parlais même pas de vous. Ah! Je parlais de Pédélope McQuaid. Ah, OK. Ah, OK. Bon, évidemment, Mme Arel, on le sait, Radio Ville-Marie, c'est une radio communautaire, bénévole, un beau tremplin pour commencer. C'est une belle tribune pour faire cette classe. Je voulais savoir, quand vous aurez acquis un peu d'expérience, est-ce que vous rêvez d'incarner la relève à la Radio-Canada? Parce qu'on ne se le cachera pas, éventuellement, il va y avoir des postes à combler. J'ai entendu dire cette semaine que Renaud Miroir va commencer à penser à une pré-retraite, probablement d'ici une trentaine d'années. Est-ce que ça pourrait vous intéresser, ça? C'est au rythme où vont les coupures à Radio-Canada. Je vais finir par être bénévole, puis je... Alors, tel que promis, Mme Arel, dans quelques instants, je vous donne mes petits conseils. Mais avant, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'écouter attentivement le billet de Fred Savard qui s'en vient dans quelques minutes. Mme Arel, les billets de Fred Savard sont une université de la radio en soi, un festival de rigueur, de drôlerie et d'intelligence, Mme Arel. Plein de mensonges en une seule phrase. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui, contrairement à Jean Tremblay, ne sera jamais pénétrée par Dieu. C'était on l'aime, hein? C'était louche, hein, les compliments de Jean-Sébastien. Totalement. Ça sera notre premier point de réunion mardi matin. Prochain, parfait. Ouais, hey, allez-y, hein? Oui, permettez-moi de profiter du passage de Bernard Drinville à notre auguste émission pour être franchement de mauvaise foi. Et pour ne pas parler de chartes et de valeurs québécoises, j'ai vu comme vous les premiers témoignages de Mme Chose, là, au Maroc, et de la famille Tartampion à Istanbul, une belle ville, il paraît. Ouais. Et déjà, la cour est pleine. Je suis quand même heureux de voir que le souhait de Bernard Landry s'est finalement réalisé. Vous il y a quelques années, le Québec fait maintenant partie du concert des nations, comme tous les autres pays du monde. Nous avons, nous aussi, nos racistes du terroir. Je pense qu'on peut être fiers, comme tout le monde. On n'est plus exceptionnel. Non, je ne parlerai donc pas de la charte. De toute façon, j'ai déjà amplement abordé la question dans cette émission. Rappelez-vous de ma délicieuse chronique du mois de novembre. Les gens m'en parlent encore. Sur mon amie Fatima, surdiplômée et surcompétente, et de ses amis idiots utiles de la gauche qui pullulaient autant que les bigots et les grenouilles de Benetti à la sauce pénétrante de Jean Tremblay. Une excellente chronique. Comment elle va, Fatima, d'ailleurs? Elle va très bien. OK, good. Ouais. J'ai dit ce que j'avais à dire, alors oui, je pense avoir fait le tour du sujet. Et je ne voudrais surtout pas accabler encore plus ce pauvre Bernard Drinville, qui a quand même eu une semaine difficile. Hein? On a tenté de lui mettre un barreau dans les roues de son projet de charte. Mais je ne suis pas inquiet, il va s'en remettre, puisqu'on sait très bien, avec toute la mauvaise foi qui m'habite, que le vrai but de cette saga est probablement une vulgaire manœuvre électoraliste qui vise essentiellement à ramener le Québec profond dans le giron du PQ. Mais non! Et franchement... Mais non! Oh, le rhum embarque. Et franchement, depuis le début des consultations, on peut dire, mission accomplie, le Québec est encore plus profond qu'on pensait. Soyons bons joueurs et félicitons Bernard et son équipe pour cette manœuvre politique habile, avouons-le. C'est un tour de force, une manœuvre politique habile au PQ. On n'est pas habitué à ça. Lui qui au cours des années passées manquait même de pieds pour pouvoir se tirer dedans. Mais j'espère que le grave problème des signes ostentatoires dans l'appareil étatique ne va pas s'arrêter là, car je caresse un rêve, Jean-Philippe. Ah. Je pas juste des jeunes femmes, je caresse un rêve. Ah. C'est que les signes ostentatoires deviennent contagieux. Je rêve qu'ils se répandent dans d'autres domaines que le CPE. Par exemple, je rêve qu'on mette un voile sur le décrochage scolaire. Imaginez si tous les décrocheurs du Québec se convertissaient à l'islam et si les 3 millions d'analphabètes se tournaient vers la Mecque au lieu du McDo. Ah. Est-ce que je peux vous dire que ça virerait de sourd au ministère de l'Éducation? Et si vous n'êtes pas convaincu des ravages du manque d'éducation des Québécois, regardez juste ce que vous avez entendu cette semaine à la commission parlementaire sur la charte pour vous en convaincre. Mais là, il paraît qu'on a manqué des bons bouts. Je vais voir mon VHS, là, je suis sûr qu'il y a des bons bouts. À moins, bien sûr, que ce gouvernement préfère diriger un peuple d'illettrés. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a tant d'affinités entre PKP et le PQ. TVA, Parti québécois, même combat. Non! Imaginez manque de respect, si tous les patients sur les listes d'attente de nos hôpitaux se rebaptisaient Mahmoud, Abdel ou encore Achira. Vous allez voir que ce sera pas long que le PQ va se retrousser les manches pour les faire disparaître des listes d'attente. On va le régler, le problème. Mais ne nous arrêtons pas là. Islamisons, je vous le dis, je suis de mauvaise foi, islamisons nos ressources naturelles également. Nos politiciens vont peut-être enfin faire quelque chose pour qu'on arrête d'être le tiers-monde minier que nous sommes depuis Maurice Duplessis. Pour les plus jeunes, Maurice Duplessis, c'est un ancien premier ministre. Quand une compagnie aussi grosse que Goldcorp prétend que le Québec est un endroit des plus favorables au monde pour exploiter des ressources naturelles, je pense que c'est le temps de s'inquiéter. Normalement, on dit des choses comme ça quand on parle du Nigeria, du Togo ou d'autres républiques de bananes. Et nous n'avons même pas de bananes, Jean-Philippe. Avec le PQ, on a juste des pelures. Oh. C'est tout. Ah, c'est tout. Hey, oh! Ouais, on va aller trouver Jean-Sébastien. Jean-Sébastien. Bon, bonjour, Philippe. Toujours avec Mme Arel. Oui. Et telle que le premier, c'est le moment où je veux lui offrir mes conseils pour réussir en radio. Alors, Mme Arel, première chose à faire quand on se lance en radio, évidemment, des exercices de diction. Alors, je vous ai apporté ici un petit présent, voilà. Alors, vous avez un livre que vous développez, voilà. Donc, ça s'appelle « Le bon prononcé français ». C'est écrit par Mme Huguette Huguet. Alors, si vous voulez, on va faire un petit exemple ensemble, juste pour voir comment ça fonctionne. Alors, ouvrez au hasard une page ici. Alors, dites-moi le titre qui est écrit. Alors, la lettre « on », le son « on ». Le son « on ». Alors, vous devez dire les mots suivants. Monseigneur, Montparnasse, Montcalm, Montréal. On a un petit problème. Tout allait bien. On va recommencer le dernier. Alors, regardez-moi bien. Faites attention. Montréal. Si j'y arrive pas, là, je vais à Radio X et je demanderai à Éric Duhem ou à Carl Monnet. Montréal. Excellent. Alors, une dernière fois, on le laissait. Montréal. Mon Dieu. On part de loin. Et au pire, Mme Arel, une autre chose aussi, vous pourrez toujours retourner en politique. Il y a plein d'offres présentement qui sont... Par exemple, chef du Bloc québécois, c'est pas quelque chose qui pourrait vous tenter. Je veux dire, 4 députés, c'est presque une job de pré-retraité. Vraiment, je passe mon tour. Fini. Chef du PQ au printemps? Fini. Me voilà bien triste, mais il paraît que Vision Montréal pourrait revivre de façon... spectaculaire, c'est ce que vous avez affirmé dans les journaux cette semaine. C'est pas un peu rêver en couleur, c'est pas un peu comme d'espérer que Bernard Drinville arrête d'être boqué, par exemple, un jour. Et ce qui est formidable, Mme Arel, c'est que les gens peuvent évidemment vous écrire pour vous poser des questions pour le dernier segment. Alors, on vous invite à nous écrire à lasoirée@radio-canada.ca. Mm-hmm. Et on vous revient avec plusieurs courriels dans quelques minutes, mon bon Jean-Philippe. Ah, ben, je vous remercie beaucoup, Jean-Sébastien. On embrasse Mme Arel. Hein. On s'ennuie, on va la réinviter sur le plateau à m'amener. Oui. Hey, OK, prochain invité, Fred. Il y a même une grande série d'entretiens avec des millionnaires à la télé. Étrangement, Jean-Philippe Autier n'y a pas été invité. Accueillons la légende des bulletins de nouvelles radio canadiens, M. Bernard Debeau! Ah! Alors, salut! Vous savez que j'ai pensé changer mon nom pour la soirée. Je me disais, 3 Bernard, ce serait bien. Hein? C'est quand même extraordinaire. 2 Bernard, deux anciens de Radio-Canada... Bon, il y en a un qui était plus important que l'autre. Oui. Sans rien enlever, M. Drinville. On s'entend là-dessus. Mais vous étiez très bon. Absolument d'accord. Non, mais vous étiez très bon. Mais là, vous êtes en train de marquer l'histoire d'une autre façon, Bernard. Drinville. Mais non, mais c'est vrai. Il faut poser des questions à Bernard. Oui, non, je sais, mais je commence avec un rhum. Vous voulez un bon rhum, monsieur? Je pensais que vous carburez, vous, à l'alcool pas mal. La semaine dernière, j'étais à votre émission à Québec. Vous avez servi un scotch. Là, aujourd'hui, vous allez avec du rhum. Je sais. Bon, mais non, mais j'essaie de recréer les bonnes vieilles années 60, là, quand tout le monde buvait un scotch à la fin de l'émission. Santé, santé. Faites attention à Bernard, parce que Bernard est un autre. Pas trop, Bernard. Hein? Votre mère écoute. Hein? J'ai plus de table pour mettre. Non. Vous êtes obligé de le boire. Je pensais que je m'assoirais à côté, moi, du côté-ci. Moi, j'ai lu un portrait de toi, hein, au début, lorsque tu étais en politique, puis dans lequel j'ai appris que tu aurais peut-être souhaité avoir mon siège à un moment donné. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai? J'ai rêvé de ça, moi. Mais je veux dire, de toute façon, je n'en avais pas absolument pas, mais je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui, j'aimerais pas avoir ton siège, parce que comme je dirais par exemple, j'aurais le papotin en feu, pas à peu près. Mais je pense que personne ne voudrait la job à M. Drainville ce temps-ci, à moins que je me trompe, là. C'est-tu payant être ministre? Parce qu'on en parle. Vous faites une série sur l'argent. Hein? C'est à Télé-Québec. Le dernier tome est lundi prochain. C'est à 21h lundi. C'est très intéressant parce qu'on parle du tabou de l'argent. Est-ce que c'est encore un tabou? Oui, c'est au encore un tabou. Il y a évolution là-dessus, mais c'est encore un tabou. Je vous le demande, lorsque vous parlez de votre salaire, qu'est-ce que vous gagnez ici? Est-ce que vous parlez de ça avec les gens? Oui, on en parle off mic, souvent hors du micro, des fois, on dit. Vous donnez des chiffres? Est-ce que vous donnez des. Oui, oui, ben oui, je donne des chiffres. 3, 4, 5, 6. J'hésite pas à faire d'accord. Ça. Mais, oui, c'est encore un tabou, je pense, c'est encore un tabou. Mais chose certaine, c'est qu'il faut en parler. Il ne faut pas se gêner de parler d'argent. Il ne faut pas se gêner de savoir qu'il y a des gens qui font de l'argent. Ceux qui créent de la richesse ne sont pas nécessairement des gens qui vont en commission Charbonneau. En tout cas, les gens que j'ai rencontrés, moi, il n'y en a aucun là, jusqu'à maintenant. Puis après, preuve du contraire, je doute qu'on les retrouve là. Et bon, on a toujours dit que c'est sale que de faire de l'argent, c'est laid, c'est dégueulasse. C'est pas nécessairement vrai, tout est dans la façon de le faire. Ce sont des gens qui créent de la richesse, ce sont des gens qui créent de l'emploi. L'important, c'est de s'assurer que cette richesse-là est redistribuée adéquatement. On aborde souvent, c'est un sujet qui a été d'ailleurs débattu il n'y a pas si longtemps à l'Assemblée, le salaire des députés. En politique, puis même que ce soit au municipal, au provincial ou au fédéral, on gagne pas assez d'argent. C'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est vrai, ça? Mais je pense qu'il y a un comité à Québec qui s'est réuni, qui a proposé que l'on hausse les salaires des députés. Je pense que les gens... Moi, je suis pas cynique face à ça. Les gens qui décident de se présenter en politique, de faire de la politique, le font pour servir, ont envie de servir. Je le crois. Je veux pas être cynique là-dessus. Ça fait 5 ans? Oui. À peu près 5 ans que vous avez décidé de quitter le téléjournal. Est-ce qu'on s'ennuie de l'information? Non, on ne s'ennuie pas de l'information, mais il y a une vie après le téléjournal, ça c'est évident. Ça fait 2 fois que je le vis, donc j'ai ressuscité, vois. Alors Vous êtes les premiers, vous êtes un pionnier dans la fausse retraite. Hein? Non, Dominique Michel, il était là. Ah oui, ben oui, mais ça c'est ça. Mais, puis il y en a d'autres aussi. Dominique est pionnier depuis très longtemps, dans plein d'affaires. Mais on ne s'ennuie pas du tout, on n'aurait pas envie, parce que là, ils veulent rajeunir le téléjournal, c'est peut-être votre chance. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Moi qui viens de passer une nouvelle décennie, là, c'est tout à fait le moment de. Je sais que vous n'aimez pas trop qu'on le mentionne, mais. C'était votre anniversaire vendredi passé. Non? Oui, bon, d'accord. Bon, 70 ans, ça se passe quand même. Mais bravo, non. Bonne fête, en Bernard. Tout ça pour dire que, non, je veux dire, moi, je pense que j'ai fait le tour du jardin dans le genre. J'y vais pendant 34 ans. Et puis, je me suis dit, j'ai encore une bonne partie de ma tête. Et puis, ça me permet peut-être de faire des sujets, de fouiller des choses, comme j'ai eu l'occasion de le faire avec l'histoire des grands moyens, avec les personnes fortunées, pas riches, fortunées. Oui, c'est intéressant, ça. Je vous écoutais à Médium Large et vous avez fait une distinction entre fortuné et riche. Riche. Être riche, c'est péjoratif. Ben, c'est-à-dire. Pourquoi? Oui, un peu. Oui, c'est-à-dire riche. Ça ne devrait pas être péjoratif. Je veux dire, il est riche. Mais il faut dire riche. Fortuné. Bon, on peut être riche. Sans avoir d'argent. D'esprit, hein, pardon? On peut être riche sans avoir d'argent. Tout à fait. Oui. Regardez-moi. Ben oui, vous avez une grande richesse. Vous êtes très riche. Une voix riche, une voix très, très riche. Ah oui, moi, j'ai Une chevelure assez riche. Oui. Je suis riche du cheveu, ça, il n'y a pas de doute là. Malheureusement, ça ne va pas direct dans mon compte en banque, mais c'est pas grave. Juste avant de se quitter, il y a un sujet qui m'intéresse ce soir, c'est la charte. À quoi? La charte à Bernard. Et là, je vous ai... la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que Bernard de Rome pense de la charte de Bernard Drainville? Alors, vous avez pris une grosse gorgée de rhum, là. qu'est-ce que je pense de la charte de Bernard Drainville? Je pense que c'est une très belle initiative, Okay. C'est magnifique et tout. Comme je suis encore journaliste, je vais peut-être me garder une petite gêne, mais quand même, si vraiment... qu'est-ce que je devrais dire? D'un point de vue politique, là, très honnêtement, je suis assez convaincu que Les avocats vont faire beaucoup d'argent avec ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça va permettre à des juges d'aller sur le banc et de rester assez longtemps sur le banc. Ça, je peux dire ça. Ça, je suis assez convaincu de ça. De même, tu sais, je fais des choses comme ça. J'avais déjà dit aussi une fois, tout le monde en parle, ça a failli me coûter un procès, cette affaire-là. La première année où tu t'es présenté, Guillaume me demande, bon, pensez-vous que c'est de Drainville qui se présente en politique, etc. Je pense qu'il va aller très, très loin, le bonhomme. Je ne me suis pas trop trompé jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de néo-québécois qui sont contre la charte, mais il y en a quand même pas mal aussi qui sont pour. Puis notamment chez les femmes venues du Maghreb, les femmes d'origine algérienne, tunisienne, marocaine. Il y en a beaucoup qui souhaitent qu'on bouge là-dessus. Donc, c'est pas un camp monolithique. Il faut faire attention. C'est pas un camp monolithique. Mais dis-moi une chose. Puis chez les Montréalais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre la charte chez les gens qui vivent dans la région de Montréal. Mais il y en a quand même un certain nombre qui sont favorables parce qu'ils voient que c'est le temps de mettre des règles. Mais tu es d'accord pour dire qu'il y a un consensus quand même là, sur la neutralité sur de l'État, sur l'égalité homme-femme, sur les accommodements raisonnables. Hein? On est d'accord loin, là-dessus. Là. Ouais. Et tu es d'accord pour dire on passe ça puis on réglera la question des signes religieux plus tard. Ouais, mais mais toi qui es homme politique, qui est fin, qui est subtil et tout. Et tu es d'accord? Tu serais pas d'accord pour faire j'ai ça? Tu dis non à ça? Bien, ce que je dis, Bernard, c'est que si on... Au nom de la Chambre non, de Bernard Drainville. Attends, je vais te répondre. Si on ne règle pas ça maintenant, ouais. À mon avis, si on repousse ça par en avant, on ne le réglera jamais. Mais ça peut vous c'est payer ça. Pendant deux élections, C'est ça ma crainte. Puis par ailleurs, je suis convaincu qu'à un moment donné, on dit, tu sais, Bernard, on dit, il faut pas juste qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait apparence de justice. Moi, je dis, il faut pas juste qu'il y ait neutralité, il faut qu'il y ait apparence de neutralité. C'est peut-être pas ça que tu veux entendre, mais... Mais c'est une conviction. Mais je peux-tu dire une chose, Jean-Philippe? Ben, c'est un peu, je t'en prie. Je veux juste vous dire, là, j'ai travaillé avec Bernard Drainville. Ouais. Je te l'ai déjà dit, Bernard. Puis même que j'ai fait un discours à l'Assemblée nationale. Quand tu es venu recevoir la médaille de l'Assemblée. Je veux juste redire à quel point ce bonhomme-là est exceptionnel. Et ce que je veux dire, c'est que souvent dans le monde médiatique, la personne que vous voyez à l'écran n'est pas la vraie personne dans la réalité, la personne que tu côtoies. Ouais. Le Drum que vous avez vu à l'écran pendant toutes ces années-là, c'est le vrai Drum. Je pense c'est un homme vrai. Merci beaucoup. Ouais. Merci aux deux, Bernard. Hein? Mon Dieu, je suis quasiment en train de passer à la prochaine chronique. C'est amusant, parce que quand tu reçois des compliments comme ça, on dit toujours, tu sais, quand René Lévesque dit, je veux dire, très, très, très humblement, au fond, c'est qu'il croyait vraiment. Mais je veux dire, lorsqu'on reçoit des éloges, on dit toujours, j'accepte avec modestie, humblement, mais avec les gros égos qu'on a, c'est évident que ça fait bien plaisir. Ah, ben, Fred, vous êtes bien bon aussi. Hein? Présentez-nous notre prochain candidat. Le nouveau trio McDo Gallagher ne doit pas l'intéresser trop puisqu'il n'y a pas de jambon dedans. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Ben, commençons avec une excellente nouvelle, soit le retour du Doc Mayou sur les ondes d'une obscure radio Internet. C'est que Mayou pense Internet depuis qu'il a vu les jeunes loups ou depuis qu'il n'est plus invité ailleurs que sur Internet et sa mise à l'écart n'a rien à voir avec le fait que la game a changé. Mon propos est acerbe et dérangeant. Alors, c'est le propre de la société matriarcale que d'éteindre, d'étouffer, contrôler, censurer. C'est d'ailleurs pourquoi tant de dictatrices ont marqué l'histoire de l'humanité. Mais Mayou n'est pas le seul à être relégué à la périphérie des médias à l'insu de son plein gré. Il y a aussi André Arthur qui en a long à dire sur cette même société qui en pousse certains à vouloir quitter le Québec. Est-ce que je reste ici à subir une dictature des imbéciles et des grosses filles, parce que le Québec est devenu un pays de grosses filles autoritaires, ou si je m'en vais ailleurs respirer un peu. Voilà, le Québec est une idiocratie matriarcale, et qui de mieux que deux phallocrates aigris pour en parler? Mais restons indulgents, parce qu'il y a beaucoup trop d'intolérance à Montréal en ce moment. Je parle bien sûr des Montréalais et de leur mépris envers la ville de Québec, mise au jour par Jérôme Landry de Radio X. Je collabore avec des médias montréalais, mais on dirait que je me rends plus compte que notre discours à Québec, ils sont incapables de le tolérer. Le discours un peu plus centre-droit à Québec, puis un peu plus ça, économique, puis ils sont incapables, ils tombent vite des insultes, tu sais, c'est, ça passe pas. C'est vrai que l'indifférence, ça peut être insultant. Les gens de Québec, quant à eux, ne tombent jamais dans les insultes, sauf une fois au chalet lorsqu'ils ont dit que les Montréalais sont des zombies en verdeur, communistes, snobs et insignifiants. D'ailleurs, Montréal et ses médias biaisés sont la cause de tous les maux au Québec, particulièrement lorsqu'il est question de réchauffement climatique, comme l'explique Dominique Moret. Les médias se comportent comme des irresponsables. Ils prennent l'opinion publique en otage. Absolument. En étouffant la dissension, en la ridiculisant, en la salissant, en la diffamant, et de l'autre côté, en élevant sur un podium des chercheurs qu'on va chercher à gauche et à droite. Toujours bien choisi, par exemple. Toujours bien choisi. Faut dire qu'une récente étude démontrait que sur les 9136 auteurs d'articles scientifiques révisés par les pairs en 2013, un seul, je dis bien un sur 9136, rejetait le fait que le réchauffement était causé par l'homme. Il s'appelle SV Avakian, il est russe et présentement en vacances dans sa datcha en Sibérie, donc c'est pas très surprenant que nos médias aient de la misère à l'avoir en entrevue. Quant à Dominique Moret, il n'est pas révisé par les pairs, il est révisé par ses codes d'écoute qui augmentent chaque fois qu'il dit des choses comme ça. Mais Radio-Canada, une antenne qui carbure au fond public, qui vient kidnapper le discours, le pervertir et le mettre à sa sauce BCBG, verdoyant, petite sauce plateau Mont-Royal. D'ailleurs, une petite sauce plateau Mont-Royal sur une salade verdoyante, là, c'est un vrai régal. Et en passant, Radio-Canada ne fait pas que kidnapper le discours sur l'environnement, elle kidnappe aussi les sujets que personne d'autre ne veut. Ce soir, Claude, vous allez nous décrire une méthode tout à fait originale d'aimer de consommer des légumes avec ces courges qu'on transforme en lampes. Eh oui, les lampes-courges, à ne pas confondre avec l'expression « prendre des vessies pour des lanternes », ce que Sylvain Bouchard de Cogeco a fait en partant un nouveau mouvement pour la défense des négligés de notre société, les automobilistes. Si vous vous sentez comme ça derrière le volant un matin à payer des taxes en malade, puis des plaques, puis des permis, puis des tickets, puis que vous êtes pogné à tout bout de champ sur Robert Bourassa ailleurs avec des belles voies réservées à côté qui sont libres, où il n'y a pas un chat, VIP. Vous êtes écœuré, vous êtes tanné, vous vous sentez agressé. Joignez-vous à nous, on va essayer de faire de quoi, de brasser la cage un peu. D'ailleurs, je me demande si payer des taxes au volant, c'est aussi dangereux que de texter au volant. En tout cas, ça pourrait sembler un sujet banal pour les habitués de Sylvain Bouchard, si ce n'était du nom de son mouvement, le Manifeste des couleuvres brunes. Et jusqu'à ce jour, 1400 visionnaires qui espèrent qu'un jour nos villes seront construites en fonction de l'automobile, on rejoint la page Facebook des couleuvres. Prochaine étape? Tiens, vu qu'on parle d'automobiliste, là, un petit sticker. Je suis une couleuvre brune, respectez-moi. Ça impose le respect, hein? Terminons avec un peu de sport, puisque demain s'affronteront au Centre Bell Jean-Pascal et Lucian Bouté. Et en conférence de presse, Pascal a fait quelques simagrées, ce qui a fait dire à Jérémy Filosa du 98.5 Sport ceci. Souvent, on va essayer de déjouer notre adversaire, on va essayer de le sortir de son camp de concentration en lui lançant des insultes. Eh oui, des boxeurs dans des camps de concentration, il n'y a plus rien de surprenant sous la dictature des grosses filles imbéciles. Merci Olivier. Hey! Ouais. Jean-Sébastien? Oui, mon bon Jean-Philippe, toujours avec Mme Arel, malheureusement, pour une dernière fois. Beaucoup de courriels, on en a reçu des centaines. Et je commence par vous poser cette première question qui va comme suit. Si jamais, Louise, tu cherches un autre co-animateur, je suis ton homme, je suis certain qu'ensemble, nous formerions une équipe gagnante. Et c'est signé M. Côté de Montréal. Alors, je pense que son temps est déjà complètement pris là, à l'hôtel de... Et un dernier courriel, Mme Arel, qui nous vient de B. Dréville, de Québec. Allô, Louise, je peux pas croire que tu acceptes de travailler à Radio Ville-Marie, une radio de dangereux intégristes chrétiens. Tu es en train de devenir une maudite terroriste, tu devrais être pendue par les chevilles. Madame Arel, je vous félicite, puis j'ai donné déjà deux entrevues à Maisonneuve, à Radio Ville-Marie. Ça me fera plaisir d'aller vous donner une entrevue. Bon. En autant qu'on ne font pas voile et intégrisme ou croix et intégrisme. Exact. Oh, on a quelque chose ici. Madame Arel, est-ce que vous pouvez me promettre quelque chose? Ben oui. Qu'est-ce que je peux vous refuser? Ah, alors, Madame Arel, faites-nous rapidement un nouveau projet qu'on puisse vous recevoir très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et qu'on l'aime. Je suis votre assistante. À très bientôt. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, puis merci beaucoup à Mme Arel et qu'on l'aime. Hein. Bravo, Mme Arel. Hey, notre dernier chroniqueur, Fred. Oui. Notre correspondant parlementaire a eu la chance d'avoir une commission de consultation sur la charte cette semaine du vrai bonbon pour les oreilles. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Bon. Ouais. Eh bien, Jean-Philippe, mon extraordinaire chroniqueur qu'on aime d'amour, hein? Ben oui, hein? Ah, tant de suavité, de prestance dans une seule personne. Chambon. Bon, enfin. est-ce que vous allez parler de la charte aussi? Un peu. J'ai vu que TVA, d'ailleurs, lançait une émission cette semaine qui s'appelle Les beaux malaises. Je pensais que c'était le résumé de la commission sur la charte, mais non, finalement. Non, c'est ça, non. Mais j'ai passé la semaine à écouter ça dans mon bain. Je m'inquiète pour la santé psychologique, M. Drainville, des députés qui assistent à cette commission-là, parce qu'elle semble attirer les weirdos plus vite encore que le Swiffer attire la poussière actuellement. Et ils sont plus drôles que nous tous réunis ici. Là. Ah oui, non, c'est clair, mais c'est quand même un exercice démocratique intéressant, parce que Bernard me l'a répété, je suis un grand démocrate. Mais je sais pas, parce que j'ai appris beaucoup de choses avec la commission, mais ça vient tellement me mêler. Je me rends compte à quel point j'étais ignorant. Martin Laperrière, à la commission, m'a appris que la Cour d'appel, c'est la Cour suprême du Québec. Claude Pinault, lui, qui a rien contre les immigrants, mais son seul problème, c'est les religions, parce que les musulmans, c'est le retour de l'ordre du Temple solaire. Sa femme, ouais. Mme Caron, on en a parlé, a capoté au Maroc parce que le tapis des mosquées, pareil comme celui du Salon Rouge, il y a c'est des messieurs Potsouli qui prennent à quatre pattes à terre sur un petit tapis, ça se peut-tu prier sur un petit tapis? C'est niaiseux. Michel Blanc, hein, l'ancien monsieur devenu madame, que Mme Veil appelle encore monsieur, là, m'a appris que ça coûte cher de changer son nom, que les lesbiennes, que les juifs hasidiques qui disent pas bonjour, c'est rough, mais que grâce à la charte, ils vont peut-être dire bonjour, que les femmes voilées ici, c'est la même chose que les gays pendus dans des pays arabes, mais on sait pas quel pays arabe, puis que quand t'avoues un ananas, c'est pas du pina colada, mais elle s'inquiète du lavement des organes de Lise Payette. Régent Parent, lui, c'est vrai, ça, m'a appris que ministre, ça se dit ministre, islamiste, ça se dit islamiste, que la règle, c'est la règle. Et que visible, c'est visible. Heureusement qu'il est enseignant, lui. Avec les autres témoins, on apprend que les enfants vont à l'école avec un turban, que la barbe intégrée, c'est reconnaissable parce qu'elle n'est pas esthétique, que Wikipédia est une source fiable, que nous sommes tous nés nus, qu'on devrait changer de la caisse quand la caissière est voilée, que Einstein portait pas de kippa, par exemple. Un exemple parfait de la relativité. On parle de cheveux. On parle de cheveux, de barbe, de coupe champignon. J'imagine Normand Lester sans ses cheveux, puis je veux pas. Puis si vous êtes pas content, tournez donc dans votre pays, en Ontario, même qu'un gars trouvait qu'un AK-47, ça réglerait le problème. Puis heureusement, il n'y a pas de crucifix dans le Salon Rouge. J'attends impatiemment, d'ailleurs, André Drouin, mon ami rencontré il y a 7 ans à Hérouville, qui voulait empêcher les gens de se lapider dans son village blanc. Ouais. Trop d'informations, vous aussi. Mais Jean-Philippe, les faits. Les faits. Laissez il y avait des faits, là. C'est faire les faits, vous aussi. Ils n'écrivent pas de téléromans, les faits. Alors, leur opinion, on s'en fout un peu. De toute façon, que ce soit Mme Caron ou la Commission des droits de la personne, tout le monde a le même poids. Parce que la Charte des valeurs, elle va s'entendre avec la Charte des droits et libertés, qui est quasi constitutionnelle, comme les consultations sur Internet sont quasi scientifiques. Puis là, j'écoute M. Drainville qui dit qu'il est ferme sur les principes, fermé sur les principes. Je ne sais plus ce que les principes valent, qu'on se la ferme, tant qu'ils auront l'impression d'avoir été écoutés, qu'on peut retirer des droits à temps partiel, que si vous êtes contre la Charte, vous êtes pour l'intégrisme. Je comprends que l'État veut pas entrer dans la chambre à coucher, mais dans la garde-robe, oui, mais ça coûte 2 millions en publicité. Puis là, les inclusifs veulent que M. Saint-Arnaud remplace M. Drainville, mais les libéraux veulent que M. Saint-Arnaud démissionne à la place. D'un autre côté, j'écoute Marc Tanguay, il est distrayant, lui, à me parler du tchador, de pas de tchador. Là, il va être permis pour les enseignants, mais pas pour les enseignantes. Puis là, quand le tchador, les souris dansent, mais pas Philippe Couillard, parce qu'on sait pas il est où depuis qu'il a été élu à Outremont. Peut-être sur une terrasse à Bonne-Sangria, hashtag la belle vie. Le baron, lui, prononce une fatwa contre la charte, mais quand il dit à la charte, faites tes prières et répondre non, pas pendant les heures de bureau, c'est pas permis. Mais là, à Ottawa, M. Mulcair dit que les seuls qui disent aux musulmans de quoi porter, c'est les gens au pouvoir à Québec. Puis pendant ce temps-là, François Legault veut parler d'économie, l'économie, il veut parler d'économie, mais personne ne veut l'entendre parler, lui. M. Drainville, lâchez votre ruban mesuré. Là, promettez-moi juste que le port du sac brun sur la tête ne sera pas ostentatoire, parce que je pense qu'on va tous en avoir besoin. Wow! Merci Jean-Philippe. Hey, c'est déjà terminé. Restez à l'écoute dans quelques minutes, c'est la bibliothèque de René. Merci à toute l'équipe, SM Marie-Hélène Rascois, Jean Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge. Un gros merci à nos invités, Bernard Drainville. Faites attention à vous, je vous en prie. Hein? Mais au final, faites attention à nous. Je vais faire attention. OK, parfait. Attention. Puis je reviendrai. Si tu as besoin d'être rassuré, appelle-moi. Oui, ben, okay? À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bernard de Rome, on écoute le dernier tome qui est lundi prochain sur Télé-Québec sur les grands moyens. Merci beaucoup de votre présence. On va vous réinviter, c'est clair. Avec Bernard, d'ailleurs. Je pense que ça fait une très bonne émission. Merci énormément à nos deux invités. Et si vous voulez écouter l'émission en balado, vous vous rendez sur notre site web ou sur iTunes. Si vous voulez assister à l'émission, c'est les vendredis 16h. Vous nous envoyez un courriel. La semaine prochaine, on reçoit Louis Morissette. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune!